deuxième temps de notre série consacrée à la crise de 2008. Aujourd'hui, nous nous intéressons au rôle des banques dans les crises économiques. Après avoir hier comparé crise de 29 et crise de 2008 avec l'historien Pierre-Cyril Aucœur, et avant demain de nous intéresser au rôle de l'Europe dans cette crise, et jeudi d'écouter le documentaire d'Anaïs Quien et d'Anne Fleury sur la crise islandaise en 2008, nous allons ce matin dans cette émission qui s'inscrit avec Entendez-vous l'écho à 14h ou encore la compagnie des auteurs à 15h sur France Culture, qui s'inscrit dans la semaine de France Culture sur les 10 ans de cette crise de 2008, nous allons nous demander quel est le rôle des banques dans ce genre de crise économique avec Olivier Feuillertag. Il sera avec nous au téléphone, il est professeur à Rouen, spécialiste d'histoire des banques, et avec Christine Zumello, elle est en studio avec nous à Paris. Elle est professeure à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, et auteure d'un livre qui s'intitule « L'intermédiation en question ». Elle nous expliquera ce dont il s'agit à propos justement de cet espace américain économique, cette intermédiation qui est le cœur de son travail. Pour une émission qui sera co-animée avec vous, Anaïs Quien, bonjour et très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année, donc une nouvelle saison de la Fabrique de l'Histoire, 20e saison de la Fabrique de l'Histoire, donc oui, pour cette série d'émissions. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Et bonjour à vous Christine Zumello. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Olivier Feuertag. Bonjour. Donc nous allons traiter avec vous de cette question des banques, puisque évidemment, comme l'explique par exemple un documentaire de Jennifer Deschamps qui sera diffusé le 18 septembre prochain sur Arte, qui est un documentaire qui s'intitule Inside Lehman Brothers, évidemment, ce qui reste dans la mémoire collective, pourrait-on dire, de ce qui s'est passé en 2008, c'est d'abord l'immense faillite de Lehman Brothers. On y reviendra dans le courant de cette émission, mais ce qui nous intéresse d'une certaine façon dans une émission d'histoire, c'est de redonner du champ à cette faillite en nous intéressant plus généralement à la place des banques dans les systèmes économiques occidentaux depuis le 19e siècle. Christine Zumello, ces banques ont été un moteur du développement économique à la fin du 19e siècle en particulier, en France, en Angleterre, en Europe et aux États-Unis. Et elles ont eu un rôle qui a été changeant tout au long du 19e et du 20e siècle, Christine Zumello. Oui, tout à fait. Donc les banques, en particulier aux États-Unis et au 19e siècle, puisque c'est les États-Unis à l'époque sont une nation jeune, très très jeune, on a une espèce de chemin parallèle entre le développement des banques, qui fonctionnent au niveau évidemment des États, qui sont en train de se construire pendant toute la grande majorité du 19e siècle jusqu'à la fin. Et donc, ces banques accompagnent la croissance de l'adolescence à l'âge adulte des États-Unis. Donc, c'est la raison pour laquelle les premières banques aux États-Unis sont des petites banques, ce qu'on appelle en français des banques à un guichet, à guichet unique, donc unit banking. Et évidemment, c'est une myriade, c'est un essaim, c'est une ruche d'une multitude de petites banques qui peuplent la totalité du territoire des États-Unis à la fin du 19e siècle. C'est ce qu'on expliquait hier avec Pierre-Cyril Aucœur, qui nous a dit effectivement que la majorité des banques qui ont fait faillite pendant la crise de 1929, sont justement ces toutes petites banques à guichet unique. Ça n'est pas exactement le même modèle qui se développe en France et en Europe, dont vous êtes spécialiste, Olivier Feuertag. Si, globalement, Christine Zumello a raison. La banque, c'est l'intermédiaire rêvé. Entre ceux qui ont de l'argent, qui veulent bien faire quelque chose, et ceux qui n'en ont pas, et qui voudraient en avoir pour entreprendre. Et je crois que cette fonction-là, on la trouve en fait partout. Et depuis très longtemps. Mais y a-t-il une particularité, disons, française, britannique, allemande, italienne, dans cette Europe des nationalités qui se développe à la fin du 19e siècle, dans des contextes de conflits et de crises, ou est-ce que toutes ces banques se développent de la même manière et le rapport de ces banques à leur État, à l'État qui, dans lequel elles agissent, est-il le même dans toute cette Europe, Olivier Feuertag? Non, ça c'est vrai qu'il y a un lien très fort entre l'économie nationale et son système bancaire. On peut même dire que c'est par le système bancaire qu'on peut découvrir quelle est cette économie nationale. Et quelles sont ses spécificités. Dans le cas de la France dont vous parlez, ce qui est frappant, c'est qu'en France, très longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, on n'aime pas les banques. On s'en méfie. Et je crois que pour revenir à l'idée d'intermédiation, Christine en parlera mieux que moi, le problème des banques, c'est que justement, elles s'imposent comme intermédiaires. Et il se fait jour qu'on pourrait se passer d'elles et pratiquer une sorte de finance directe. Anaïs Kien. Oui, d'ailleurs, on l'a bien vu, cette crise qui commence en 2007 et qui gonfle jusqu'en 2010, Olivier Feiertag, c'est aussi une crise de confiance tout au long du 19e siècle, finalement. Parlons des Français, puisque nous y sommes. Les Français apprennent à prendre confiance dans cette dématérialisation de la richesse. Comment se construit cette confiance? Comment vous nous avez rappelé que les Européens, en tout cas les Français, n'aiment pas leurs banques, mais malgré tout, il a fallu leur faire confiance, il a fallu leur confier notre argent. Après la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, il est obligatoire que les salaires soient versés sur des comptes bancaires. Comment s'est construite cette confiance dans la dématérialité des richesses qui au fur et à mesure, ne s'incarnera plus ni dans l'or, ni dans la terre. C'est vrai qu'on cherche à inscrire la banque dans un cadre juridique qui rassure. Très très longtemps, en fait, on ne sait pas ce que c'est qu'une banque. Tout le monde fait de la banque. Le marchand de bois qui a un bénéfice important cette année-là, le notaire, l'huissier, et tous ces intermédiaires, au passage, naturellement, financent leurs services. Sont payés, c'est le taux d'intérêt. Et globalement, face à cette imprécision de la banque, les États vont réagir en construisant un cadre légal. Et en France, on peut dire que c'est vraiment l'apport de chaque crise du XXe siècle qui a, en quelque sorte, influencé la construction du cadre légal. Qu'est-ce qu'une banque? La loi répond en 36, c'est un commerce de l'argent, entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Là, vous nous parlez du cadre légal, Olivier Feiertag, mais qu'en est-il de l'inscription sociale, finalement, de ces banques? Comment les Français, petit à petit, vont accepter de ne plus pouvoir prendre, finalement, leur richesse entre leurs mains? Est-ce qu'ils n'ont jamais accepté? C'est pas sûr. Et en 1850, Flaubert, dans Les chiens des idées reçues, les consciences des idées reçues, à l'article banquier, écrit « Tous des voleurs, des Arabes, des loups fermiers ». Il est reçu 1850. Je suis pas sûr que, aujourd'hui, si on se réfère à la perception de la crise de 2008, ou dans la mémoire collective, Emmanuel, on soit très loin de cette idée reçue 1850. Christine Zumello, est-ce que c'est la même chose qui se développe sur le continent américain dans ces mêmes années, c'est-à-dire une méfiance ou au contraire une autre vision de ce rôle des banques dans l'économie du pays en construction? Pour rebondir sur ce que disait Olivier à l'instant, il y a une double méfiance en fait aux États-Unis au XIXe siècle. C'est à la fois une méfiance par rapport à un établissement bancaire dont on ne sait pas très bien ce qu'il est. Toutes les banques qui naissent aux États-Unis au XIXe siècle ont leur propre monnaie. Donc il y a une myriade de différents types de billets de banque. Il y a même plusieurs dollars. On a la sensation que c'est la même monnaie, mais plusieurs dollars existent. Absolument, c'est différents dollars. Américain. Donc c'est fascinant de regarder. Il y a une collection très importante à la Smithsonian à Washington DC. Vous avez tous les billets avec des couleurs différentes, avec des papiers différents, avec des formes différentes, avec des tailles différentes. Et évidemment, cette méfiance, elle vient aussi du fait qu'on ne sait pas très bien quel est le crédit, sur quoi repose. Est-ce que c'est de la monnaie de singe? Exactement. Voilà. Et donc, le 19e siècle aux États-Unis, c'est aussi à cause de cette absolue jungle de différentes monnaies, en fait, de différents dollars, ce qui paraît aujourd'hui absolument incroyable, c'est aussi le siècle des contrefaçons. Et ça se règle à quel moment, justement? Et donc, ça commence à se régler à la fin du 19e siècle, en fait, pendant la guerre de sécession, qui est une façon pour le Nord d'essayer de unifier la monnaie et d'essayer d'unifier le système bancaire. Alors, il y a cette méfiance vis-à-vis de cette prolifération de la monnaie, mais aussi une méfiance vis-à-vis du contrôle fédéral, par Absolument. Exemple, de l'argent. Donc, il est très mal vu par, à l'époque, le parti des Greenbackers, puisque c'est le début, pendant la guerre de sécession, du billet vert que l'on connaît aujourd'hui, avec le dos vert, donc, voilà, qui l'est resté. Mais c'est une monnaie considérée comme nationale, comme impérialiste, qui viendrait imposer à chacun des États qui ont leur banque, qui ont leur monnaie. Et ça, c'est extrêmement mal vu. Donc, vous voyez, c'est des relents un petit peu populistes, pour employer un terme un peu moderne, qu'on retrouve aujourd'hui encore sous des formes différentes. Ce qui montre effectivement qu'il y a dans ce rapport des États-Unis ou des États-Uniens à leur banque et des rapports européens une vraie différence, parce que l'État ayant été créé plus anciennement sur le territoire européen, il y a un rapport de confiance par rapport à la qualité de la monnaie, par exemple, qui n'est sûrement pas le même aux États-Unis et en Europe. Absolument. Et les États-Unis sont un pays fédéral. Et donc, cette crainte, cette peur, cette difficulté à accepter, en fait, quelque chose qui dépasse sa propre communauté, qui dépasse les frontières de l'État, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans toute la législation bancaire, probablement jusqu'aux années 30. Alors, nous allons sauter au-dessus qui de la fin nous du... sauver les banques, évidemment, c'est le principe de base, puisque nous sommes dans la crise de 2008. Sauvons les banques, mais nous allons surtout sauter entre la fin du 19e siècle et justement ces années 30, en nous intéressant justement aux discours qui ont été tenus aux États-Unis autour de la grande crise, la grande dépression de 1929-1930 et les années 30. Et au discours tenu en particulier par celui qui arrive au pouvoir en 1933, il s'appelle Franklin Delano Roosevelt. Et vous avez voulu, Christine Zumello, commencer cette émission d'histoire sur l'histoire des banques dans la fabrique de l'histoire par une déclaration tenue en 1933 qui sera traduite et par Anaïs Quien. Ladies and gentlemen, the President of the United States. First of all, let me state the simple fact. Tout d'abord, laissez-moi préciser que lorsque vous déposez de l'argent à la banque ne met pas l'argent dans un coffre-fort. Elle investit votre argent dans différentes formes de crédit, d'obligations, d'actions et de prêts. En d'autres mots, la banque met votre argent au travail pour la prospérité de l'industrie et de l'agriculture. Seule une petite partie de l'argent que vous mettez à la banque est conservée en monnaie, un montant qui, en temps normal, est entièrement suffisant pour couvrir les besoins en trésorerie du citoyen moyen. Autrement dit, la masse monétaire du pays ne représente qu'une petite partie des dépôts effectués dans toutes les banques du pays. Que s'est-il passé au cours des derniers jours de février et au cours des premiers jours de mars? Du fait d'un engouement démesuré de la part du public, une grande partie de notre population s'est mise à investir massivement dans la monnaie ou dans l'or. Un mouvement d'une telle ampleur que les banques n'ont pas été en mesure de répondre à la demande. Vous devez avoir foi. Ne vous laissez pas impressionner par les rumeurs ou les suppositions. Unissons-nous pour combattre la peur. Nous avons engagé la restauration de notre système financier et c'est à vous de le soutenir et de faire en sorte que cela marche. Voilà donc une déclaration de Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis. On pourrait dire que cela fait penser évidemment beaucoup au discours tenu dans les années 50 par un président du Conseil français, à savoir Pierre Mendès France, une sorte de pédagogie du gouvernement et en l'occurrence une pédagogie auprès des citoyens américains de ce que sont les banques, comme s'il fallait que le président expliquât à sa population ce qu'était justement le rôle d'une banque dans l'économie du pays. Tout à fait, c'est vraiment un discours, c'est un cours. Voilà. Le président explique ce que c'est qu'une banque, quelle est l'intermédiation produite. Qu'arrive-t-il à mon argent une fois que je l'ai déposé à la banque? Voilà comment Et c'est nécessaire Roosevelt, à ce moment-là. C'est totalement nécessaire puisque le but du discours de Roosevelt, donc son premier fireside chat de 1933, c'est bien sûr d'expliquer ce que c'est qu'une banque et donc de faire comprendre les difficultés qu'elle traverse, mais aussi surtout de dire il faut continuer à avoir confiance. Voilà. Malgré le fait, et ça c'est valable aussi partout, Olivier Feiertag, d'ailleurs on a l'impression que ce cours de Roosevelt pourrait encore être donné chaque jour pour rappeler aux épargnants, aux usagers des banques que lorsqu'ils donnent de la banque à l'argent, cet argent n'est stocké nulle part. Olivier Feiertag. Oui, il circule, il travaille. Et surtout, ce que démontre Roosevelt, c'est ce qu'il tente de faire comprendre, c'est que les banques ont un pouvoir extraordinaire, celui de créer de l'argent. Quand ils vous accordent un crédit votre compte courant, cet argent, il n'existe pas vraiment, c'est de l'argent de papier. On inscrit simplement le crédit au positif de votre compte. Et aujourd'hui, dans tous les pays développés du monde, quasiment tous les pays développés du monde, l'argent, c'est une pyramide inversée. Il y a une toute petite base qui, en effet, c'est de l'argent, on va dire, cash, mais 80-90%, Christine Vidal le sait très bien, de cet argent qui circule, c'est une création bancaire. Et donc la responsabilité est énorme. Et on ne comprend plus, à un moment donné, que les banques puissent dire non. Vous l'avez évoqué, la banque accompagne l'entreprise, et très souvent, c'est elle qui porte le coup de grâce. La liquidation judiciaire, quand l'entreprise est morte. Et donc, on ne comprend pas ce refus de la banque quand elle dit non à un emprunteur. D'autant qu'il est difficile à comprendre ce refus quand on a, comme par exemple en France, Olivier Feuertag, une confiance relativement grande, parce qu'elle est partagée par beaucoup de gens, dans les institutions de l'État, entre ce rapport entre l'État et la banque qui est validée par l'État puisqu'elle existe sur le territoire national parce que l'État lui a donné l'autorisation d'être là, eh bien, on ne sait plus très bien qui décide de ce que doit devenir votre argent. Ce matin, au matin de France Culture, Nicolas Sarkozy disait, à propos de la crise de 2008, qu'il avait fait une déclaration à Toulon pour se distinguer de Gordon Brown, qui allait nationaliser les banques britanniques, en disant « Ne vous inquiétez pas, votre argent est protégé par l'État. L'argent que vous avez mis en banque est protégé par l'État », a dit à Toulon en 2008, justement, Nicolas Sarkozy. Ce jeu est assez complexe à comprendre pour un citoyen. On met de l'argent dans une banque, on a un État à côté, et l'un garantit l'autre d'une certaine façon. Oui. Surtout si on oublie de dire que l'État, c'est nous. Et que c'est pas l'autre, vous voyez, qui engrange l'argent. On le voit bien dans les pays où la dette souveraine paraît menaçante. La Grèce, par exemple. Mais d'autres aussi, on va parler, pourquoi pas, de la France demain. Ce qui compte, c'est fondamentalement la capacité de l'État à maîtriser les chocs financiers. Et de ce point de vue, la République en France n'a pas été si mauvaise, fondamentalement, pour protéger les sociétés, sa société, des soubresauts des marchés de l'argent. La particularité aussi, Christine Zumello, de cette grande crise, cette grande dépression des années 30, c'est qu'elle demande, elle fait que les dirigeants des grands pays se sentent obligés de légiférer et qu'il y a toute une législation sur les banques qui est mise en place à partir de ce moment-là pour éviter les excès qui ont conduit à la grande dépression. Et cette législation va durer pour la plupart des pays et pour les États-Unis dont vous êtes spécialiste, jusque dans les années 80, 90 même, et va disparaître à ce moment-là. Mais pendant très longtemps, il y a cette sorte de poids des lois qui sont issues de la Grande Dépression. Absolument. Roosevelt va mettre en place donc le New Deal que tout le monde connaît. Et une partie un peu plus obscure du New Deal, c'est en effet toute la législation bancaire qui permet en particulier d'assurer les dépôts des épargnants dans les banques. Donc à partir de 1934, 2000 dollars sont assurés, c'est-à-dire que les déposants sont certains de ne pas perdre ce qui s'est produit, bien sûr, pendant les années 30 aux États-Unis, de ne pas perdre leur argent. Cette somme a ensuite, tout au long du XXe siècle, augmenté, bien sûr, on est arrivé à 100 000 dollars. Mais la question s'est reposée en 2008, c'est-à-dire est-ce que l'argent que j'ai déposé dans une banque, est-ce que je vais pouvoir récupérer ce que j'ai sur mon compte de dépôt ? Et on crée aussi, par exemple aux États-Unis, le Securities and Exchange Act, donc qui va créer la SEC, donc qui est censé contrôler justement les marchés financiers. C'est en 1934, justement, Absolument. Sous Roosevelt, Absolument. En même temps qu'on fait le Banking Act autour des banques en 1933, qui va permettre là aussi de gérer ce rapport du citoyen à l'État et aux banques dans un triangle très particulier. Absolument, et on peut ajouter aussi Fannie Mae, 1938, qui est l'organisme étatique de réglementation des prêts hypothécaires, qui a un rôle évidemment central pendant la crise de 2008. Oui, Olivier Feuertag, ce marché des banques d'ailleurs qui se multiplie, est un marché concurrentiel. Les banques font preuve de beaucoup d'ingéniosité pour proposer des produits financiers attractifs, de rapport à leurs clients. De quelle manière suivent les normes? Est-ce que la législation dirige les banques ou est-ce plutôt les banques qui influent sur les normes qu'inscrit la législation? Non, c'est toujours les banques qui courent devant, qui entraînent les évolutions. Ce qui est certain, c'est que quand on évoque ces... Vous voulez dire que les hommes politiques suivent, enfin, les dirigeants, les gouvernements suivent les innovations techniques, pourrait-on dire, du marché de l'argent? L'innovation bancaire est un des moteurs de l'histoire, et pas seulement économique. La difficulté qu'ont les États pour suivre cette course à l'innovation, c'est d'arriver à faire par des choses entre la spéculation et les affaires normales. À partir de quel seuil est-ce qu'une banque engage une opération spéculative et donc condamnable? Et ça, ce seuil, il est absolument introuvable. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire précisément à partir de quelle somme ou à partir de quel élément objectif la banque fait de la mauvaise spéculation et pourrait entraîner une crise du système. C'est ce qui s'est passé dans les années qui ont précédé la crise de 2007-2008. Il y a eu une poussée d'innovation sans précédent. La titrisation. Les produits financiers nouveaux. Oui. Et du coup, les États décrochent. C'est votre sentiment, débouche, chez Christine Zemelo? Absolument, ce qui débouche sur la question qu'on se pose encore aujourd'hui. Mais enfin, ne pouvait-on pas prévoir que ça allait éclater? D'ailleurs, des économistes qui, à l'époque, avaient dit qu'on aurait pu le prévoir, reviennent sur leur déclaration, disent « mais finalement, je ne suis plus sûr qu'on aurait pu s'apercevoir de ce qui était en train de se passer. » Exactement, donc là se met en place le couple infernal qui est incertitude. Donc ce dont parlait Olivier Feuertag, à partir de quel stade est-ce que la spéculation devient absolument insoutenable, donc incertitude, et la confiance évidemment qui disparaît. Voilà. Et donc c'est cette espèce de couple difficile qui est mis en jeu pendant la crise de 2008, encore. Et donc le 20 septembre 2008, celui qui est encore le président des États-Unis, il sera remplacé très rapidement par Barack Obama, puisque c'est la fin de son mandat, s'appelle George Bush, et il intervient devant les citoyens américains. Le risque systémique était très important et nécessitait une réponse à cette hauteur. Le Congrès le comprend, nous travaillons pour que quelque chose soit fait aussi vite et aussi massivement possible. À problème massif, réponse massive. Je continue à dire à nos concitoyens que le risque de ne rien faire est bien plus important que le risque que constitue cette somme. L'argent reviendra, mais là, maintenant, le gouvernement se devait d'envoyer un signal disant que nous comprenions que l'instabilité pouvait devenir dévastatrice et à terme affecter les travailleurs, les familles, nous laisserons passer ce problème. Voilà une déclaration de George Bush le 20 septembre 2008. Il faut rappeler que le 15 septembre 2008, Lehman Brothers fait faillite et qu'il y a là aussi un couple infernal, pourrait-on dire, peut-être même plus qu'un couple, un trio entre l'État fédéral américain, les instances de contrôle qui sont issues, Christine Zumelo, de cette grande crise, grande dépression des années 30, les banques elles-mêmes, et le contrôle qui, d'une certaine façon, a été plus flou qu'il aurait peut-être dû l'être, puisque, comme l'explique dans son documentaire Jennifer Deschamps sur Arte, qui sera diffusé le 18 septembre prochain, Inside Lehman Brothers, eh bien, il y a eu des signaux d'alerte. Il y avait même des gens du gouvernement, de la SEC, à l'intérieur de Lehman Brothers, qui n'ont pas vu venir ou qui ont laissé faire pratiques qui ont conduit à cette immense crise monétaire et financière. Absolument. Donc Bush, qui est président républicain, doit prendre la parole et dire des choses qu'on attendrait plus d'un président démocrate. C'est-à-dire l'État doit intervenir pour sauver les banques, pour venir à la rescousse des Américains, des épargnants américains. Alors évidemment, en 2008, le paysage bancaire aux États-Unis n'est absolument pas du tout celui qu'il était au 19e siècle. On est passé donc de ce dont je parlais tout à l'heure, c'était des petites banques agglomérées, à des méga établissements, bank holding companies. Et donc évidemment, la crainte qu'une de ces banques fasse faillite met en jeu l'ensemble du système, ce qui n'était pas le cas au 19e siècle. Et donc c'est ça que Bush essaye dans ce discours. Et pourtant, on a laissé faire faillite à Lehman Brothers. Alors j'ai envie de dire, Lehman Brothers, c'est un petit peu la crise dans la crise. C'est j'ai utilisé l'expression de Pearl Harbor financier. Et donc il déclenche là, sans doute, le discours de Bush quelques jours après. Anaïs Kien. Oui, Olivier Feiertag, à l'occasion de cette crise de 2007, 2008, 2009, on a vu apparaître des personnages qu'on fréquentait peut-être moins habituellement, les agences de notation, mais aussi les banquiers centraux, qui sont un de vos sujets de recherche et qui sont ce tiers corps intermédiaire qui intervient dans et qui rend possible peut-être d'une certaine façon aussi les relations entre ces banques de taille décuplée, de nombre décuplé, et les États qui ensemble doivent proposer un sentiment et une vie financière en confiance aux citoyens de tous les pays concernés par cette crise, mais concernés par les questions bancaires et les questions de banque de détail de manière générale. Olivier Feiertag. Oui, on parle enfin des banques centrales. Il faut y arriver. Parce que finalement, tout y mène et tout en parle de cette manière. Ce qui est sûr, c'est que la banque centrale, où la situer ? Est-elle du côté des banques, en difficulté ou en prospérité, ou du côté des États ? Et la réponse, et ça c'est tout à fait éclairant, c'est que justement la banque centrale est entre les deux. À la zone frontière entre le marché et les États. À la frontière ou en dehors ? À la zone frontière, parce que elle, dans son recrutement, dans sa façon de penser, dans ses droits et ses outils, elle est tout à fait une question de mixité. Elle a à la fois la force d'une entreprise publique, la force de l'État en fait, qui en est propriétaire unique partout dans le monde aujourd'hui quasiment, et les marchés, puisque la banque est aussi une banque qui fait des opérations, qui prête de l'argent, qui gagne de l'argent d'ailleurs, des profits, et donc elle est vraiment mixte. Je pense que dans la crise 2007-2008, les banques centrales ont bien réagi. C'est-à-dire qu'on a été 1929. Elles n'avaient pas pu faire au moment de la Grande Dépression. Comme quoi, on apprend un peu de l'histoire aussi. Alors, ces banques centrales, vous dites, elles sont d'un côté ou de l'autre. Christine Zumello, on se pose la question, parce que pour la Fed, par exemple, aux États-Unis, on a accusé la Fed d'être à l'origine de la crise et d'avoir d'une certaine façon de s'être servi des banques privées comme bouc émissaire d'une crise qu'elle aurait peut-être pu, disons, freiner ou même empêcher les positions d'Alan Greenspan, mais aussi les positions des gouvernements précédents à George Bush, comme le gouvernement Clinton, sur lesquels vous insistez beaucoup à partir de l'exemple d'un des ministres, secrétaire d'État au Trésor de Clinton, qui est persuadé qu'il faut moins de contrôle sur les marchés, par exemple. Eh bien, toutes ces positions-là ont peut-être amplifié cette crise de 2007-2008. Alors peut-être avant de répondre à votre question, là, c'est intéressant de voir que la Fed s'appelle la Fed, elle ne s'appelle pas Banque Centrale aux États-Unis. Donc elle s'est appelée, il y a eu deux principales banques centrales aux États-Unis lors de sa création. Et ensuite, en 1913, il a été décidé, le Parlement a décidé, le Congrès a décidé de créer une Fed, donc un système fédéral de réserve. Et c'est fondamental puisqu'il y a cette espèce de crainte, de peur, de ressentiment contre tout ce qui est fédéral, ce qui vient du gouvernement national. Donc en 2007-2008, d'une certaine manière, les États-Unis sont là aussi encore en train de demander l'aide du gouvernement national par l'intermédiaire de la Fed, tout en étant dans une situation où, historiquement, un organe central de contrôle du système financier a toujours été craint, a toujours été considéré comme négatif. Anaïs Kia. Mais, bon, alors, j'aime ces histoires à personnages, donc je poursuis Olivier Feiertag. On a la sensation que vous décrivez du coup un paysage où apparaissent deux types de banquiers, les vertueux, les aventuriers, et pourtant ces personnes sont formées de la même façon au départ. Olivier Feiertag. Là, on parle des directeurs des grandes banques. Il faut bien voir que très longtemps, disons jusqu'aux années 1980, la banque échappe aux lois du marché. Dans les années 30, on fonde un système bancaire qui va être parfaitement autorégulé, on va dire en fait cartélisé. Et la concurrence ne joue pas. Alors, ce qui est frappant, c'est quand même de montrer que durant cette période de la banque est cartélisée, c'est-à-dire donc il y a des ententes pour aligner les prix, pour homogénéiser les conditions bancaires, on a une décroissance la plus forte que le monde développé ait connu. Les Trente Glorieuses se produits avec un système bancaire quasiment hors du marché. Et à l'inverse, dans les années 80, la déréglementation va aboutir, en l'espace de quelques années, ça a été un ouragan, dans tous les pays du monde, à un système bancaire extrêmement compétitif et fondé sur les différences de marché. Et ça, et cette instabilité-là, on doit l'interroger dans le temps long et pas seulement à propos des crises. De ce point de vue, on peut se demander si la crise ne devient pas un passage obligé du cycle. Et on sait qu'aujourd'hui, certains analystes, comme avant 2007-2008, prédisent la venue cyclique d'une nouvelle crise financière et bancaire. C'est-à-dire qu'on accumulerait des effectifs toxiques qu'il faudrait purger régulièrement sans pour autant décider une bonne fois pour toutes d'interdire ces produits, ces placements toxiques dont il a été question dans cette toute première partie de la crise, c'est-à-dire celle des subprimes. Et ça, c'est intéressant. Les subprimes dont vous parlez, c'était quoi ? C'était des crédits consentis à des gens très pauvres, souvent des gens de couleur d'ailleurs. Donc des crédits à risque. Et du coup, comme c'était prêté à des gens très pauvres, le risque est énorme. Et ça rapporte gros. Et dans une époque où il y a beaucoup d'argent dans les années 2000 qui circule, trop d'argent peut-être, et donc quand le prix baisse, enfin, le taux d'intérêt diminue, il est tentant d'avoir des produits financiers un peu plus risqués qui, au lieu de rapporter du 2-3%, vont rapporter aux banques du 5 ou 6%. Et du coup, ces produits risqués vont être très très demandés. Et si la crise de 2008 a été de la première crise globale de l'histoire du monde, c'est précisément parce que ces produits toxiques ont été disséminés dans les différents portefeuilles bancaires du monde, mais voulus par les banques, parce que ça rapportait de l'argent. Mmh. Christine Zumelo. Oui, la question de la toxicité, c'est très important, parce que un actif est toxique, dans le cas des subprimes, il naît toxique, en effet, c'est des personnes qui, par essence, pour un certain nombre de conditions socio-économiques, ne sont pas en capacité, mais dès le départ, de rembourser les emprunts qu'elles ont contractés. Donc un subprime, il est né subprime. Donc évidemment, il vit sa vie de subprime et en général, ça se termine mal. Oui, parce qu'il contamine, on parle l'exemple de la toxicité, il contamine des produits financiers qui, eux, a priori, sont plutôt sûrs. Et puis, il contamine s'il y a une concentration énorme de cette toxicité. Mais certains actifs deviennent toxiques. Donc, il y a un effet dynamique. Et là, la question de la toxicité, elle est très indiquée par les agences de notation. C'est-à-dire, on donne une note qui en principe est transparente ou donne une indication réelle de la toxicité de l'actif. Et donc évidemment, les agences de notation ont été aussi pris à partie largement pendant la crise de 2007-2008. Et vous avez travaillé sur un produit, un de ces premiers produits qui potentiellement pouvait devenir toxique, Christine Zumelo, c'est cette Everything Card, cette première carte de crédit qui inaugure une nouvelle période dans la vie possible, c'est-à-dire qu'on peut désormais dépenser de l'argent qu'on n'a absolument pas. C'est-à-dire même de l'argent sur lequel on ne peut même pas compter à l'avenir, mais s'offrir dans ces années 60 des 30 glorieuses, de la croissance économique, de la prospérité, et puis aussi de l'épanouissement de la consommation de masse. On peut entrer pleinement dans son époque grâce à cette Everything Card, qui va pourtant être interdite assez rapidement. Absolument, enfin pour un certain nombre de malversations, tout à fait. C'est en fait l'éducation des Américains à la capacité de dépenser sans compter. Voilà, et donc ça évidemment c'est le fond, la réalité du fonctionnement des cartes de crédit, pas des cartes de débit comme on a principalement en Europe, mais des cartes de crédit. Et les produits financiers deviennent aussi des produits de consommation. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas uniquement sa carte pour acheter des choses, des biens, mais aussi des produits financiers. Donc ça devient quelque chose de très important. Et si les subprimes ont été titrisés, les encours de carte de crédit, les encours de prêt automobile, qui sont deux choses fondamentales aux États-Unis, on ne peut pas travailler sans voiture, sauf si on habite à New York ou à Chicago. Donc une voiture, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et les prêts qui sont accordés pour pouvoir acheter une voiture sont aussi titrisés. Alors évidemment, c'est des sommes beaucoup plus petites, individuelles, et donc ça n'a pas l'effet que les prêts hypothécaires pour acheter une maison ont eu. Mais la nature du fonctionnement est la même. Et donc la toxicité, elle est aussi présente dans ce type de prêts ou de prêts qui sont liés aux cartes de crédit. Alors effectivement, la particularité d'une grande crise comme celle de 2007-2008, c'est de faire bouger les lignes, pourrait-on dire, et faire qu'un libéral comme Gordon Brown fait la déclaration qu'il fait le 8 octobre 2008 devant ses concitoyens. C'est un plan de sauvetage spectaculaire pour les banques britanniques. Après des semaines de disette et de manque de liquidité, les quartiers des affaires de Londres respirent. 257 milliards d'euros ont été débloqués par l'État. C'est un moment intéressant, n'est-ce pas? Je pense que les marchés sont soulagés. Nous ne savons pas pour l'instant ce qui va se passer, mais je pense que ça va dans la bonne direction. Gordon Brown, flanqué de son ministre des Finances, vient donc purement et simplement d'annoncer une révolution, la nationalisation partielle des grandes banques britanniques. Coût pour chaque contribuable, 2500 euros, une nécessité, selon le Premier ministre. Que veulent les gens en Grande-Bretagne? Eh bien, ils veulent savoir que les banques feront le travail qu'elles sont censées faire. Ce sont des gens qui travaillent dur, des entrepreneurs qui veulent que les banques assurent la liquidité des crédits et des affaires. And that's what we intend to make sure happens. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Avec Anaïs Quien, mais également Olivier Feuertag, notre invité au téléphone, et Christine Zumello. C'est effectivement une des surprises de l'histoire, pourrait-on dire, que de voir des très grands libéraux, aussi bien d'ailleurs aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne, se contraindre à nationaliser des instances bancaires, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour éviter la propagation de la crise, Christine Zumello. Puis ensuite, je donnerai la parole à Olivier Feuertag. Tout à fait, c'est vraiment l'idée de la réalité fait loi. Voilà, on est face à une situation qui n'a pas de précédent vraiment dans les mêmes conditions, puisque la crise de 1929 a des éléments communs, mais quand même différents. Et donc, que faire? Voilà, on est au bord du gouffre, on est au bord du précipice, potentiellement, et donc il faut absolument réagir. Je voudrais simplement citer Morgan, JP Morgan, qui reste aujourd'hui une des très grandes banques américaines. Enfin, si on pourrait faire la généalogie, en fait, des banques américaines, et on verrait que ça devient vraiment un arbre généalogique aujourd'hui, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de ramifications. Mmh. Et Morgan dit, en 1933, au Congrès américain, déclare que il ne souhaite pas, et donc c'est resté depuis, il ne souhaite pas que le terme banque apparaisse dans le nom qui est au fronton du gratte-ciel à Wall Street. Non seulement sur le fronton du bâtiment, mais aussi par exemple sur le papier en tête, il y a écrit Morgan. La maison Morgan et pas la banque Morgan. Donc il y a vraiment un élément très très fort qui est... que la banque peut avoir mauvaise réputation. Mmh. Voilà. Et que là, il s'agit d'une affaire de confiance qui est liée à une personne, qui est liée à un certain nombre de personnes qui travaillent dans cet établissement. Et on remarque que c'est resté, dans le cas de Lehman Brothers, ce n'est pas Lehman Brothers Bank. Mmh. Donc on a l'illusion aussi, dans ce cas peut-être de Morgan, d'une rematérialisation du lien d'une entreprise familiale, de lien de confiance qui s'incarne dans une famille, dans des hommes. Tout à fait. Vous n'êtes pas un numéro, vous n'êtes pas un client, vous êtes une personne qui a des besoins financiers et qui peut parler à quelqu'un. Donc l'idée d'avoir un guichet avec une personne physique à laquelle on parle, c'est quelque chose qui a quasiment totalement disparu aux États-Unis aujourd'hui, et on est en Europe sur la même voie. Olivier Feuertag, justement, ce changement de pied, pourrait-on dire, n'est pas définitif, puisque ces nationalisations des années 2008 vont très rapidement laisser place à une reprivatisation de la plupart de ces établissements une fois que la crise sera passée, Olivier Feuertag. Bon, il est sûr que pour les libéraux les plus endurcis, les plus utopistes, on peut penser à Hayek par exemple, ou un autre, l'idéal, c'est un système économique sans banque. La finance directe, où on pourrait, sur un marché imaginaire, atteindre l'équilibre général du système entre les besoins d'argent et les offres d'argent. Mais ça, ce système, ce rêve d'Hayek, on ne trouve pas. On ne trouve pas. Il y a la banque, on le voit bien, c'est peut-être pas le plus vieux métier du monde, mais c'est un des plus vieux métiers du monde. Et cette fonction bancaire, elle accompagne en très longue durée l'évolution de l'économie mondiale. Et donc, on peut s'interroger sur la raison de ce besoin de banque. Et je pense que la raison, vous l'avez énoncé tout à l'heure, Anaïs, c'est de dire que la banque permet de dépenser de l'argent qu'on n'a pas encore. Une espèce de déséquilibre du système. Ça, c'est plutôt Schumpeter qui le théorise. Et de ce point de vue, la condition pour pouvoir dépenser de l'argent qu'on n'a pas encore, c'est d'être certain qu'on sera encore ensemble, qu'on constitue une vraie nation, une société homogène, dans 5 ans, dans 10 ans. On tire une traite sur l'avenir avec ces banques, en fait. Quand je dis « on », c'est vous et moi, c'est la société. Et quand cette traite sur l'avenir n'est plus possible, alors sans doute le système peut s'effondrer. Mmh. Si le Japon a une dette publique aussi importante, la plus lourde du monde, sans risque d'éclatement du système, loin de là, c'est parce que la cohésion sociale, en fait, la cohésion sociale et politique est très forte. Mmh. Alors, évidemment, il y a ceux qui ont été mis en cause dans cette crise de 2007-2008, banquiers, mais également agences de notation, on le disait tout à l'heure. Et puis, il y a des enquêtes qui ont été menées, des commissions parlementaires, par exemple. Et parmi eux, un certain John Stumpf. Qui était-il exactement, John Stumpf? Alors John Stumpf, ça a été pendant très longtemps le président de Wells Fargo, qui est aussi une des plus anciennes banques américaines. Qui a financé entre autres la conquête de l'Ouest, en tout cas dans la mémoire qu'on a gardée. Exactement, c'est resté dans le logo de la banque, on a une diligence sur un fond rouge. L'attaque de la diligence. Exactement, et l'attaque de la banque qui reste vraiment des passages obligés de tous les westerns. Donc Stumpf, PDG de Wells Fargo, et donc c'est un scandale qui éclate après la crise financière de 2008, mais en fait qui, je pense, se repose la question de à quoi sert une banque ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une banque ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet intermédiaire ? Et la réponse est intéressante. Et voilà ce que dit donc John Stumpf devant la commission qui l'écoute. Wrongful sales practice behavior in our retail banking business goes against everything regarding our core principles. Ces comportements commerciaux abusifs vont totalement à l'encontre de nos valeurs, de notre éthique, de notre culture, contre notre manière de contribuer au succès financier de nos clients et ne sont pas représentatifs de notre banque Wells Fargo. Toute notre culture est dédiée à servir nos clients et dans ce cas, nous les avons laissés tomber. Its sales issues are not a reflection of our hard-working and talented team members who deserve thanks for helping our customers. Ces problèmes ne reflètent pas le travail de nos équipes qui sont à l'écoute des besoins de nos clients. Je veux dire très clairement que nous n'avons jamais demandé à nos équipes de placer auprès de nos clients des produits qu'ils ne voulaient pas. Ce n'est pas bon pour nos clients et ça n'est pas bon pour les affaires. Cela va à l'encontre de tout ce que nous défendons en tant qu'entreprise. Ceci posé, j'accepte l'entière responsabilité de toutes ces pratiques dans le domaine de la banque de détail et je m'engage pleinement à faire tout ce qui est possible pour régler ce problème, à renforcer notre culture et à engager les actions nécessaires à la restauration de la confiance de nos clients. Alors, ça ne marchera pas vraiment parce que Stumpf ne va pas rester à la tête de la Wells Fargo, même après cette déclaration et même après cette sorte de mea culpa, de prise de responsabilité de sa part de ce qui s'était passé, des excès de cette crise financière et monétaire. Néanmoins, c'est extrêmement intéressant parce que voilà le cœur de notre discussion depuis le début, la question de la confiance et la question des affaires, parce que ça n'est pas bon pour nos clients, mais ça n'est pas bon pour les affaires non plus, dit-il. Absolument. Donc c'est la question du crime en col blanc qui plane sur toutes les années qui ont un petit peu précédé, et surtout depuis la crise de 2008, et qui se reproduit donc avec cette affaire Wells Fargo, où c'est pas des actifs toxiques qui sont en cause, mais c'est des techniques. Alors ce que Stumpf appelle, son président appelle des techniques de vente très agressives. Mmh. En réalité, un certain nombre de clients de Wells Fargo se sont retrouvés avec des services financiers, des produits financiers qu'ils n'avaient pas demandé, à leur insu. Et le but était que Wells Fargo apparaisse comme une très bonne banque avec une capacité de vente très importante auprès des analystes de Wall Street. Donc, j'ai envie de dire, malgré 2006, 2007, 2008, 2009, et donc la très grande crise que l'on a traversée, comment se fait-il que ce qui encore soit mis au cœur des décisions dans des grands établissements bancaires soit quelque chose comme une technique de vente très très agressive. Oui, Olivier Feuertag, quand même, ce qui est très intéressant, c'est que les responsables de cette crise, si on considère que ce sont eux les responsables et non pas, par exemple, la Fed aux États-Unis, les patrons de ces grandes banques dont certaines ont fait faillite, eh bien, n'ont pas été plus inquiétés que cela. Ils ont été écoutés par des commissions parlementaires, comme cela arrive de temps en temps aux États-Unis. Dick Feld, qui était le patron de Lehman Brothers, a créé tout de suite derrière une autre institution qu'il dirige encore. Le PDG de la Royal Bank of Scotland, Fred Goodwin, a réglé le contentieux à l'amiable avec les plaignants, et on retrouve des conseillers de Goldman Sachs à la Maison Blanche. Et d'ailleurs, très récemment, le président américain a mis un terme à une loi qui avait été votée après la crise de 2008, la loi Dodd-Frank, pour encadrer les produits dérivés et protéger le consommateur, comme si d'une certaine façon, eh bien, ça n'était pas si grave que cela. Oui. Je pense que là, le point important, c'est, disons-le, c'est que les sociétés ont les banques qu'elles méritent. Je crois que dans cette tendance à porter le chapeau aux banquiers, il y a l'idée qu'il y a eux et nous. Mmh. Or, dans la pratique, de tous les jours, dans notre vie quotidienne, en fait, il y a une sorte d'identification entre les usagers et leurs banques. On a le système bancaire qu'on construit, qu'on pratique jour après jour, quand vous contractez un crédit, quand vous faites de l'épargne. Je trouve que dans le populisme, vous avez parlé tout à l'heure, il y a justement au cœur du populisme toujours l'idée qu'il y a nous et tous les autres qui sont en périphérie, qui sont dangereux. Mais alors, vous voulez dire, Olivier Feuertag, vous voulez dire que finalement la moralisation bancaire ne servirait à rien s'il n'y avait pas une moralisation des comportements économiques Exactement. Je crois que c'est très bien dit, c'est ça la question. Et Jean Bouvier l'a montré. Les sociétés accouchent leur système. Et le système bancaire évolue au fur et à mesure que les normes, parler de la moralité, mais d'autres normes peuvent être évoquées, et évoluent. Et je crois que entre l'État, les banques et nous, il n'y a pas à chercher le responsable. Il y a collectivement un fait social qui démontre sa réalité. Et pourtant, Christine Zumello, on a cet adjectif de morale. De moralisation, ce terme de moralisation a été employé très fréquemment pendant cette crise de 2008 et ça participe même à la question de la titrisation. On parle de l'aléa moral dans la titrisation, c'est-à-dire que les banques qui titrisent regardent moins à la qualité du crédit qu'à la quantité et se rémunèrent à la commission. Donc ce terme de morale a bien quelque chose à voir avec cette activité en tous les cas. Oui, et puis il est lié à la question de la protection, c'est-à-dire est-ce qu'on peut estimer qu'une certaine partie de la population, si elle est poussée à la consommation à outrance, doit quand même être mise en garde, protégée contre un certain nombre de pratiques abusives. La loi de réforme de Wall Street qui a été adoptée en 2010, vous en parliez à l'instant, et Anaïs y faisait aussi référence indirectement, a mis en place un conseil de protection du consommateur aux États-Unis. Et c'est ce conseil-là qui est très attaqué depuis deux ans, enfin en particulier depuis l'année dernière, aux États-Unis en ce moment. C'est-à-dire que il y a une espèce de refus de voir que la protection, dans certains cas, est probablement nécessaire. Et qu'en effet, il faut que chacun se prenne en charge, aussi du point de vue financier. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, Christine Dumeno, c'est de voir aussi à quel point l'élément moral d'un produit financier a une valeur en soi. C'est-à-dire qu'on va proposer un produit financier éthique à certaines catégories de population et pas à d'autres en fonction de leurs attentes, de leurs demandes et de leur capacité d'emprunt également. Absolument, mais quand vous êtes aux abois, la dimension éthique, l'aspect vendeur de l'élément éthique du produit financier est moins important. Et donc j'ai envie de dire que pour ceux qui peut-être en auraient le plus besoin, c'est le moins présent. Vous qui êtes spécialiste d'histoire des banques, Olivier Feuertag, banque centrale mais banque privée également, est-ce que cette crise de 2008 a relancé la recherche sur cette question-là, l'a rendue d'une certaine façon, cette recherche sur les banques plus présente, plus intéressante? Est-ce que les gouvernements, par exemple, s'intéressent à cette longue histoire des banques telle qu'on l'a rapidement décrite depuis le début de cette émission ou pas? Oui, c'est l'idée qui se fait jour. C'est que tout dépend en fait de l'éducation financière. Et les grandes institutions internationales, je pense CDE par exemple, financent de gros programmes d'éducation financière avec l'idée que le jour où chacun sera son propre superviseur bancaire, il n'y aura plus de crise. Alors c'est bien sûr trahir une forme de moralisation de la vie économique qu'on peut dans la pratique difficilement identifier. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous au téléphone. Nous mettrons évidemment les ouvrages que vous avez rédigés tout seul ou en collaboration sur le site de France Culture, sur la page de la Fabrique de l'Histoire d'aujourd'hui. Merci à vous aussi Christine Zumello. Vous êtes auteur de L'intermédiation en question, un titre un peu énigmatique, mais qui raconte exactement l'histoire que l'on a racontée ici même, c'est-à-dire cette crise et ses prémices de crise dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui et le rôle justement que jouent les institutions financières dans la gestion de ces crises. Merci donc d'être venu. Nous continuerons demain avec vous, Anaïs Quin. Oui, sur la façon dont l'Union européenne a absorbé, pensé, combattu cette crise de 2007, 2008, 2009. Et avant, jeudi, d'écouter le documentaire dont vous êtes donc la productrice avec Anaïs Quin, avec Anne Fleury à la réalisation, un documentaire sur... Sur l'Islande, sur ce que la crise économique, la crise financière, la crise morale de 2008 a fait à interroger l'identité islandaise. Voilà, alors cette émission était préparée par Aurélie Marcé et Céline Leclerc. Morgane Danon était avec nous à la technique aujourd'hui et Anne Fleury à la réalisation. Et vous pouvez bien entendu écouter tous les programmes de France Culture sur cette crise pendant toute cette semaine, que ça soit Entendez-vous l'écho cet après-midi à 14h ou encore la compagnie des auteurs de Mathieu Garrigou-Lagrange qui revient sur les grands livres qui traitent des questions financières, ou ce soir le feuilleton à 20h30 sur la saga de Lehman Brothers de Stefano Massini.